Dhammapada. Verset sur la violence. Tous les êtres tremblent face à la violence. Tous les êtres craignent la mort. Si tu te mets à la place de l'autre, tu ne tueras personne et tu n'encourageras personne à tuer. Tous les êtres tremblent face à la violence. Tous les êtres tiennent chèrement à leur vie. Si tu te mets à la place de l'autre, tu ne tueras personne et tu n'encourageras personne à tuer. Celui qui, tout en recherchant le bonheur pour lui-même, agresse ceux qui, comme lui, recherchent le bonheur, ne trouvera pas la paix après la mort. Celui qui, tout en recherchant le bonheur pour lui-même, n'agresse pas ceux qui, comme lui, recherchent le bonheur, trouvera la paix après la mort. Ne parle à personne avec violence, car on pourrait te répondre de même. Ceux que tes paroles ont peinés peuvent, à leur tour, te blesser. Si tu demeures, tel un gong muet, silencieux face à l'agressivité, du Nibbana tu t'es rapproché. En toi, l'aversion s'est apaisée. De même que le bouvier dirige ses bêtes en les menant au pâturage à la baguette, la vieillesse et la mort indiquent le chemin du cycle de l'existence aux êtres humains. Quand un être ignorant agit mal, il ne s'en rend pas compte, mais, ensuite, brûlé par le feu de ses propres méfaits, il demeure tourmenté. Celui qui agresse avec violence un pauvre innocent sans défense subira bientôt l'une de ses 10 conséquences, douleur aiguë ou désastre, blessure physique. Maladies graves ou esprits dérangés, ennuis avec le gouvernement ou graves accusations, perte de ses proches ou perte de sa fortune, ou encore maison ravagée par le feu. Et quand cet ignorant passera de vie à trépas, c'est tout droit vers l'enfer qu'il ira. Aucune pratique ascétique, aller nu, échevelé, couvert de boue, refuser de manger, dormir par terre, s'enduire de cendres et de poussière, s'asseoir sur les talons en pénitence, aucune pratique ne réussira à purifier celui qui ne peut cesser de douter. Une apparence soignée n'empêche pas de vivre dans la pureté. Posé, calme, menant la vie sainte avec confiance, celui qui a abandonné toute violence est un véritable renonçant, un saint homme, un moine. Rares sont les êtres qui, grâce à leur retenue et à leur modestie, réussissent à éviter d'être blâmés comme l'étalon bien dressé évite le fouet. Comme un bel étalon dressé par le fouet, persévère avec ardeur sur le sentier. Vertu et sagesse, concentration et endurance t'apporteront la connaissance. Juste et attentif dans ton comportement, tu pourras déposer le fardeau du tourment. Note de jeune chute. Le sentier correspond au noble octuple sentier. La voie enseignée par le Bouddha pour atteindre la libération de la souffrance. Fin de la note. Les irrigateurs canalisent les cours d'eau. Les fléchiers redressent la tige de leurs flèches. Les charpentiers façonnent le bois. Mais les hommes vertueux disciplinent leur esprit.